Chapitre 1, quand traduire, c'est trahir, l'histoire de la Septante. Ce que le chrétien ordinaire ignore souvent. Pour comprendre comment certaines idées ont pénétré le christianisme sans jamais figurer dans la Bible hébraïque originale, il faut remonter à une époque précise et à un événement historique majeur. La traduction de la Bible en grec, réalisée au 3e siècle avant Jésus-Christ, soit environ 250 à 300 ans avant la naissance de Jésus. Cette traduction porte le nom de Septante, souvent abrégé 70, les chiffres romains pour 70, en référence au nombre de savants qui, selon la tradition, participèrent à ce travail. Elle fut réalisée à Alexandrie en Égypte à la demande du roi grec Ptolémée de Philadelphe, souverain d'un empire qui s'étendait sur une grande partie du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Ce roi, comme tous les monarques érudits de l'époque hellénistique, voulait rassembler dans sa bibliothèque toutes les grandes œuvres de l'humanité. Les textes saints des Hébreux, connus et respectés dans le monde antique, en faisait leur partie. C'était une initiative ambitieuse et, à certains égards, généreuse. Mais c'était aussi une opération de transfert culturel profond, traduire un texte né dans une vision du monde en une langue qui portait une vision du monde radicalement différente. Qu'est-ce que la lingua franca? Ce terme, emprunté à l'histoire de la Méditerranée médiévale où les marchands utilisaient un mélange de langues pour communiquer, désigne aujourd'hui toute langue qui sert de moyen de communication commun entre des populations qui n'ont pas la même langue maternelle. Au temps de Jésus, le grec, sous sa forme simplifiée appelée koiné, c'est-à-dire commun, jouait ce rôle dans tout le bassin méditerranéen et le Proche-Orient, comme l'anglais le joue aujourd'hui dans les échanges internationaux. Un juif de Jérusalem, un marchand d'Alexandrie et un philosophe d'Athènes pouvaient tous se comprendre en grec, même si aucun des trois ne l'avait appris comme langue maternelle. C'est pour cette raison que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Non par préférence philosophique, mais par nécessité pratique. Les apôtres voulaient que leur message soit compréhensible dans tout l'Empire romain et au-delà. Le grec koiné était la langue de la communication universelle de leur époque. La Septante, en revanche, précède le Nouveau Testament d'environ 2 siècles et demi. Chronologiquement, l'hébreu biblique est la langue première, originale, de l'Ancien Testament, avec quelques passages en araméen. La Septante est sa traduction en grec, réalisée avant la naissance du christianisme. Le Nouveau Testament est écrit directement en grec. Ce sont donc trois réalités distinctes, reliées mais distinctes. L'hébreu prévaut-il sur le grec dans la Bible? C'est une question que beaucoup de chrétiens se posent sans jamais la formuler. La réponse exige une distinction claire. Pour l'Ancien Testament, ce que les Hébreux appellent le Tanakh, la langue originale est l'hébreu, avec quelques passages en araméen. Le texte grec de la Septante est une traduction. Elle est précieuse, historiquement fondatrice pour la théologie chrétienne, et les auteurs du Nouveau Testament la citent souvent. Mais elle reste une traduction, avec tous les choix interprétatifs et les glissements de sens que toute traduction implique. Quand il y a un doute sur le sens, c'est vers le texte hébreu qu'il faut retourner pour l'Ancien Testament. Pour le Nouveau Testament, le grec koiné est la langue originale. Il n'y a pas de texte hébreu ou araméen sous-jacent pour l'essentiel des écrits du Nouveau Testament. En revanche, les auteurs du Nouveau Testament étaient souvent eux-mêmes de culture hébraïque et leur grec porte des tournures de pensée, des images et des structures sémitiques. C'est pourquoi l'étude des mots grecs du Nouveau Testament se fait toujours en dialogue avec l'arrière-plan hébreu de leurs auteurs. En résumé, l'hébreu prévaut pour comprendre l'Ancien Testament dans sa profondeur originelle. Le grec est la langue authentique du Nouveau Testament. et les deux entrent en conversation constante parce que le Nouveau Testament est écrit par des gens de culture hébraïque dans une langue grecque imprégnée de leurs pensées. De l'holisme hébreu au dualisme grec. Les traducteurs de la Septante, bien qu'héritiers de la tradition hébraïque, travaillaient dans un milieu intellectuel profondément marqué par la philosophie grecque, et plus particulièrement par la pensée de Platon. Platon, philosophe athénien du IVe siècle avant notre ère, avait développé une vision du monde que l'on appelle le dualisme. Il existe deux réalités radicalement séparées. D'un côté, le monde des idées, immatériel, éternel, pur et supérieur. De l'autre, le monde de la matière, physique, périssable, imparfait et moralement suspecte. L'âme appartient au premier monde. Le corps appartient au second. La pensée hébraïque ne connaît rien de tel. Elle est holistique et moniste, c'est-à-dire qu'elle pense l'être humain comme une réalité unifiée, indivisible, où le physique et le spirituel ne s'opposent pas, mais se complètent. L'être humain n'est pas une âme emprisonnée dans un corps. Il est un corps animé par un souffle. Le mot hébreu central pour désigner cet être unifié est « nefesh ». Sa racine est directement liée à la gorge, au canal par lequel l'être respire, boit, mange, désire et exprime ses émotions vitales. La nefesh n'est pas une entité abstraite, c'est l'être vivant dans sa totalité indissociable, une créature qui a faim, qui souffre, qui jubile, dont la matérialité est la condition même de l'existence. Face à ce terme, les traducteurs de la Septante ont choisi le mot grec « psyché ». Or, dans le platonisme dominant à Alexandrie, la psyché est précisément cette entité immatérielle, immortelle, moralement supérieure au corps, qu'elle considère comme une prison. Un seul choix de traduction. Et c'est toute une vision de l'être humain qui bascule. Le même glissement s'est produit avec Rouach, le souffle dynamique et physique qui traverse le monde, rendu par Pneuma, l'esprit désincarné. Et avec Bazar, la chair humaine vivante et concrète, rendu par Sarx, qui dans la théologie chrétienne ultérieure prendra une connotation de péché et de déchéance morale. Des mots grecs aux idées économiques. Ces glissements lexicaux ne sont pas de simples curiosités académiques. Ils ont des conséquences directes et économiques sur la vie des gens ordinaires. Si la matière est inférieure au spirituel, alors l'argent est ontologiquement suspect. Si le corps est une prison, alors les besoins du corps, le loyer, la nourriture, le salaire, sont des préoccupations inférieures dont il convient de se détacher. Et si la musique est un acte spirituel, alors la réclamer en salaire serait la souiller par une transaction matérielle. Voilà comment une erreur de traduction vieille de 23 siècles se retrouve aujourd'hui dans la bouche de certains leaders chrétiens qui traitent de gomboïste un musicien qui demande à être payé pour son travail. Leçon 1. La Septante est la traduction grecque de la Bible hébraïque, réalisée environ 250 ans avant Jésus-Christ. Elle précède le Nouveau Testament, en traduisant des concepts hébreux holistiques avec des mots grecs platoniciens. Elle a introduit dans la théologie chrétienne une méfiance envers la matière et l'argent, qui n'existe pas dans le texte hébreu original. Ce dualisme est le fondement intellectuel de toute rhétorique qui réclame la gratuité du travail au nom de Dieu. C'est une importation philosophique grecque, pas un principe biblique hébreu